Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec Aloïs, Thomas Bonjour. Et Flavie. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le premier jeudi du mois et puis comme d'habitude, on teste un jeu. On va décortiquer aujourd'hui Lady Blackbird. Thomas, c'est encore toi, l'animateur de la partie. Merci Thomas. Merci Thomas. Nous t'écoutons. Voilà, donc je vous propose le jeu qui s'appelle donc Lady Blackbird. Un jeu de John Harper. Donc je suppose un Américain parce que j'ai essayé de retrouver des informations sur lui. Malheureusement, je n'ai rien trouvé. Pas évident non plus comme. Sinon, s'il était français, il s'appellerait Jean Harpe. Peut-être, effectivement. En tout cas, il a un site. Il a un site assez intéressant où il présente 4 de ses jeux qu'il a fabriqués plus donc d'autres produits. Le parcours de ce jeu est assez récent parce qu'il a fait un jeu qui s'appelle The Mustang, donc assez connu en France. Et donc ce fameux Lady Blackbird qui a été connu. Moi j'ai connu ce jeu par le site de JP, d'accord, qui présentait en fait les écuries d'Ogias qui ont fait une version française, celle à laquelle on va jouer. C'est sorti il y a 3 semaines. Voilà, JP qu'on salue au passage, ce qui fait souvent des news sur la cellule. Et merci JP de nous suivre JP. Avec cette attention. Merci à toi. Alors, excuse-moi Thomas. Il n'y a pas de souci. Donc, Lady Blackbird. Donc, on joue dans un monde un peu de type steampunk. Bizarre. En fait, il est bizarre, il se passe dans l'espace. Voilà. Alors, c'est un univers où, en fait, les gens, on vit dans une. L'aventure va se passer, en fait, comment dire, dans un système solaire. Ouais. Qui a une étoile froide qui émet de la lumière. Et on vit dans un nuage respirable. D'accord. Le monde est complètement disloqué. C'est-à-dire qu'on va voyager en fait dans ce gaz respirable, donc dans des vaisseaux, d'accord, pour se balader dans un monde. Et le monde n'est pas très grand puisqu'on peut aller d'un bout à l'autre en l'espace de 6 semaines. D'accord. On peut se rendre dans une ville à peu près n'importe où en quelques jours. D'accord. C'est un petit peu comme une planète qui s'était éclatée et que les gaz formaient des espèces de conduits dans lesquels on peut circuler pour rejoindre des continents. Voilà. Donc comme montre Loïs, la magnifique carte. D'accord. Ça rappelle un peu Skies of Arcadia. Voilà. Dans le principe, voilà, un peu comme dans Skies of Arcadia, d'accord, c'est qu'on va se balader donc en fait dans une mer de gaz. Ouais. D'un point à un autre, on va vivre des aventures, mais pas n'importe quelles aventures. Nous allons vivre l'aventure donc du petit groupe qui se trouve dans le vaisseau dit la Chouette, un navire céleste. D'accord. Et nous allons suivre l'histoire donc de Lady Blackbird. Lady Blackbird est donc fut un mariage arrangé avec le comte Karloff. D'accord. J'allais te poser la question de savoir qui c'était Lady Blackbird. Au début, je croyais que c'était un navire en fait. Non, le navire dans lequel on va jouer, c'est qu'elle arrive donc, elle est engagée donc sur le navire céleste qui s'appelle la Chouette. D'accord. Un ancien transporteur remis au goût du jour pour emmener de l'équipage, du fret. D'accord. Donc, il y a un peu en morceaux, mais des super bricoleurs font tout pour qu'il puisse avancer. Ouais. C'est le cargo de l'espace qui a sillonné, qui a plusieurs tonneaux, c'est ça, l'histoire, quoi. Ouais, non, c'est le un petit bateau, peu ça, quoi. Le vieux histoire. Bateau, voilà, qui est complètement usé, mais retapé de partout. D'accord. Et qui arrive quand même à... C'est le Faucon Millenium, quoi. Voilà, le Faucon Millenium, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, vous êtes en train de vous faire poursuivre par un poulpe titanesque, un poulpe céleste. Mais je comprends pas, j'ai rien fait, ça devrait marcher. Et voilà, d'un coup, vous allez avoir une gaffe, c'est-à-dire vous allez pouvoir le dépasser, et d'un coup, pof, le moteur va s'arrêter, il va voir une panne de fuel. C'est pas ma faute. Ils avaient dit qu'ils l'avaient réparé. Et donc, c'est Lady Blackbird, appareil donc dans la Chouette, afin de rejoindre son amant secret, qui est le roi pirate Uriah Flint. D'accord, il est tellement secret que là, tu viens de le dire à tous nos auditeurs. Ah, mais ça fait partie de l'histoire. Alors, attention, là, je suis en train de vous parler du speech. C'est le repère du pirate qui est secret. D'accord. Voilà, c'est le repère du pirate. Ensuite, juste avant d'atteindre donc une ville qui s'appelle Havreport, à mi-chemin, la Chouette s'est fait prendre en chasse par les croiseurs impériaux, la Macha Green, pour avoir commis le crime de voler sous un faux pavillon. D'accord, ok. Le navire se fait arrêter. Enfin, le navire se fait donc, appareiller ou... Abordé. L'équipage se fait arrêter. On se retrouve au fond d'un cachot et l'aventure commence. Nos amis vont s'en sortir. D'accord, donc, ok. Il faut savoir que cette histoire est prévue au départ pour 6 joueurs. D'accord. On peut aller jusqu'à 6. Là, on va y jouer à 4. Avec des personnages préétablis, c'est-à-dire que les personnages sont déjà fabriqués. Ouais. On a un système de règles simples qui nous permettent donc de résoudre les diverses actions de l'aventure. Et donc là, votre objectif, c'est d'atteindre le fameux amant donc, de Lady Blackbird, et sachant que tout commence au fond d'une geôle. D'accord, ok. D'après ce que j'ai compris, ce que tu viens de dire, il n'y a pas de maître de jeu, en fait. Si. Alors si, il y a un maître de jeu. Parlons système maintenant, peut-être. Voilà. Au niveau du système, il y a un maître de jeu. C'est-à-dire que les joueurs vont devoir atteindre des objectifs qui vont se fixer au fur et à mesure du scénario. C'est-à-dire que le maître de jeu n'est pas là pour faire un scénario. Le maître de jeu est là pour questionner les joueurs, pour savoir comment les joueurs vont interagir avec une situation donnée. D'accord, ouais. Les joueurs construisent l'histoire, et ensuite le MJ va encore être là, au bout d'un moment, pour mettre des barrages. Et il doit quand même décrire des choses. Alors, le MJ va décrire les décors. D'accord, ouais. Les PNJ. Pour poser des questions, quoi. Voilà. Alors, il y a quand même un rôle de MJ. Voilà, il a un rôle de MJ, mais c'est surtout poser des questions. L'exemple qu'il peut donner, c'est qu'à un moment, il joue un PNJ, il dit, bah voilà, toi, Lady Blackbird, t'as comment dire, un garde, un homme de main. Ouais. Bah, je joue le PNJ du capitaine du bateau. Ouais. Et bah, je joue ton homme de main, je dis, ouais, va faire ça, bonhomme. Là, il prend la pression, c'est, excuse-moi, Lady Blackbird, est-ce que t'es content que ton garde du corps il se fasse mener à la baguette alors que c'est ton homme de main quand même? C'est à toi, le capitaine, il devrait d'abord. D'accord, donc ça veut dire que le MJ, ah, c'est marrant. C'est-à-dire qu'il pose des trucs et en même temps il questionne sur, tiens, est-ce que t'es content de ce que j'ai fait en gros? Voilà, ou à un moment, si un autre joueur fait une interaction, le MJ peut dire, est-ce que vous pensez vraiment que le personnage. Est-ce que tu penses que ton personnage serait d'accord à ce qu'il se passe ça? D'accord. C'est un peu le rôle du MJ, c'est d'orienter vers des conflits, entre guillemets. D'accord, ok. Son autre rôle, c'est que quand il y a un jet qui doit être résolu, par exemple, quelqu'un veut piloter le vaisseau, on va lui demander de faire son jet. S'il échoue, c'est le MJ qui décide qu'est-ce qui va se passer. Ouais. C'est-à-dire, dans quelle situation tu vas te mettre. Donc, il faut savoir que dans les fiches de personnages, il y a deux fiches possibles. Il y a la fiche du personnage et la fiche du vaisseau. Dans ces fiches, il y a des états. Ouais. Et ben, quand tu loupes une action, quand tu rates un jet, ouais. Et ben, le MJ te met dans un état. D'accord. Un état d'anxiété. Alors, les états. Soit le vaisseau, soit toi, quoi, en gros. Alors, là, il peut définir. Par exemple, t'es en train de piloter le vaisseau. Ben, il peut très bien. Tiens, tu viens de faire un échec dans le pilotage. Ouais. Ben, je décide que ton vaisseau est endommagé. D'accord, ou ralenti. Okay. Donc, il explique comment ça se passe. Ok, ok. Si je prends, par exemple, pour les personnages peuvent être blessés, fatigués, énervés, perdus, chassés, prisonniers ou morts. Ah, c'est excellent. De base, c'est défini. C'est défini. Dans quel état tu peux être. Voilà, dans quel état tu peux être. Faut bien préciser que c'est présumé mort. Voilà. Et pour la mort, attention, quand le MJ dit, bah voilà, ton personnage est mort, c'est-à-dire le joueur décrit une scène où son personnage meurt, mais c'est présumé mort. C'est-à-dire que c'est au joueur qui décide s'il est d'accord ou pas avec la mort. D'accord. C'est-à-dire qu'on considère qu'il est mort, il pourra revenir en disant, bah non, en fait, mon personnage n'est pas mort à ce moment-là. Et là, il raconte son histoire, pourquoi il n'était pas mort. D'accord. C'est cool. Voilà. Ok. Préciser aussi que vous deux, Aloïs et toi, Thomas, vous avez lu le jeu. Alors, Flavie et moi, nous ne l'avons pas du tout lu. Pas du tout lu. Alors, le jeu, il était présenté en tout cas sur les écuries d'Ogias comme un jeu avec des règles simples qu'on peut lire de suite et jouer de suite. Donc, moi, je suis parti dans cette idée-là. J'ai lu une fois. Ouais. Tu viens de le lire. Hein. Je viens juste de le lire. Il y a deux heures, tu l'avais pas encore. On va tester. Effectivement, le système est très simple. Le système, en fait, ça se fait partir de D6. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez un pool de dés, une réserve, composée de 7 D6. Ouais. Ensuite, vous avez quand vous faites une action, vous avez forcément un dé, auquel vous allez ajouter une étiquette. C'est-à-dire que vous allez prendre dans vos traits, regardez si vous avez un trait qui correspond. Si vos traits vous correspondent, vous rajoutez 2 dés par rapport à la base de 1. Ensuite, sous ces traits, vous avez ce qu'on appelle des étiquettes, donc des spécialisations. D'accord. Correspond au domaine. Ouais. Si vous avez l'étiquette qui correspond, vu que c'est des étiquettes bien fixées, vous rajoutez un dé supplémentaire. Ah, on rajoute un dé. Donc d'abord, vous avez un dé. Si vous avez le premier trait, ça vous fait 2 dés de plus. Si vous avez l'étiquette, ça vous fait un dé supplémentaire. D'accord. Et ensuite, vous pouvez ajouter autant de dés que vous avez dans votre pool. C'est-à-dire que vous avez une réserve de dés. Vous pouvez décider et dire, bah, je prends 4 dés en plus. Et ces dés, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Voilà, vous faites votre jet. Si vous réussissez, tous les dés de votre réserve sont perdus. Comment on réussit? Comment vous réussissez? En fait, il faut faire à chaque fois que vous faites 4 ou plus. D'accord, ça vous fait un succès. Okay. On vous fixe une difficulté. Difficulté moyenne, c'est 3. Si vous faites plus de 3 succès. Quand je vous dis une difficulté 3, donc difficulté moyenne, il faut faire 3 succès ou plus. D'accord, ok. Donc ça, c'est quand vous réussissez. Si vous échouez, vous récupérez tous vos dés et vous rajoutez un dé dans votre réserve. D'accord. Donc dans la technique, c'est des fois, imaginez, j'ai besoin d'augmenter ma réserve, dire que mon personnage va faire une action qui a forcément échoué. Donc quitte à l'échouer autant que ce soit un truc à la con. Donc j'échoue, tiens MJ, je te laisse la liberté de me faire me mettre une condition. Hop, ok, je te mets la condition. Maintenant toi joueur, décris-moi comment la condition que je viens de te donner va interagir. Et hop, t'agis comme ça. C'est d'accord, marrant, okay. Ça me rappelle Atlas. Voilà, avec le système là. Donc vraiment sur récompense de, si t'échoues, c'est pas grave en fait, ça t'avantage en même temps. D'accord, ok. Ok, d'accord, ça a l'air intéressant. Bon, t'as bien présenté le jeu Thomas, est-ce qu'il y a des questions Fly? Non, on joue, ok. Allez, on y va, on joue. C'est parti. Bon, bah voilà, bonne partie. On va peut-être préciser les personnages qu'on jouait, parce que vu que c'est des pré-tirés, les auditeurs pourront éventuellement avoir accès à ces personnages et regarder un petit peu ce qui s'est passé. Flavie, toi, tu jouais ? Je jouais Lady Blackbird, alias Natasha Siri. D'accord, ok. Donc moi, l'héroïne. Donc l'héroïne. Donc tu as des clés assez intéressantes. Hein, oui. J'ai la clé de Paragon, je suis noble et je vous emmerde, grosso modo. Ouais. J'ai la clé de la mission, il faut absolument que j'aille retrouver le roi pirate Uriah Flint, oh mon amoureux. D'accord. Et la clé de l'imposteur, je suis un imposteur. Imposteur avant tout. Thomas, toi tu jouais donc le personnage du maître de jeu. En partie, donc les deux personnages qui ne jouaient pas, j'ai essayé de les jouer, voilà, c'était très difficile. Donc moi, Snargle. J'avais comme personnage, donc j'avais Snargle, et le Naomi pilote. Bichotte. Voilà. Donc Snargle, c'est le pilote casse-cou, le looping de la team, donc, gobelin, ouais. Qui a donc qui est là pour faire rigoler, prendre des risques. Il a surtout la particularité de pouvoir changer de couleur quand il veut, ainsi que de taille. Il peut devenir petit ou géant. Et tu joues également et Naomi. Aussi, donc Naomi, qui était la garde du corps donc de Lady Blackbird, une brute de combat, qui était une ancienne esclave de l'Empire et qui a réussi donc à se libérer. Depuis, elle a une haine féroce de l'Empire. Donc c'était les troupes qui nous avaient un peu retenus prisonniers. Donc voilà. au début du scénario. Ouais. Donc tu as surtout été un avantage dans les bastons. Enfin, voilà. On verra. Ouais, parce que comme t'étais MJ, c'était un peu spécial. Aloïs, toi tu jouais Cyrus Vance, le capitaine de la chouette, un ancien soldat qui est devenu contrebandier, un peu pirate. Ouais. Alors mes clés, j'ai la clé du commandant, ferme ta gueule et obéis. Ouais. Bon, c'est plutôt aussi quand je fais des plans et autres. La clé de l'amour caché, je suis amoureux de Lady Blackbird, mais je ne veux pas le dire. Ça c'était pas mal. Ouais. Et la clé du paria, parce que mon personnage est un exilé. D'accord, ok. Et moi, je jouais ton second, Kyle Arkham, donc un cambrioleur sorcier de bas étage, qui était le second et le mécanicien de la chouette, donc le vaisseau que tu diriges. Et moi, j'avais la clé de l'avaricieux, donc je pouvais voler un petit peu tout ce qui brille et obtenir des objets cool. La clé de la mission, qui est que je dois ramener Lady Blackbird au roi pirate Uriah Flint, afin qu'elle puisse l'épouser. Donc je pense que ça c'est une clé secrète, mais on va en parler après. Et puis j'ai la clé de la fraternité, c'est-à-dire que je suis lié à toi, capitaine Vance, je dois te sauver etc. Voilà. Alors je voulais juste revenir sur les clés, parce que là on parle de clés, on n'a peut-être pas été assez clair au tout début. Les clés en fait vont nous permettre dans le jeu donc de récupérer des dés, donc pour faire des succès, ou éventuellement de l'expérience qui va permettre de faire de l'augmentation de personnage, donc récupérer des traits ou des clés. Le système nous invite vraiment à les jouer à fond. Voilà. On les joue tout le temps. Voilà. Faut les exploiter à mort. Quoi. Voilà, parce que ces clés en fait permettent des interactions entre les personnages. Ouais. Surtout parce qu'on utilise tout le temps les dés, quoi. Ça crée du jeu, clairement. Alors, moi, nous, on s'est posé la question quand même en cours de partie. Est-ce que ces clés doivent rester secrètes ou pas? On s'est posé la question pour la clé que j'avais, c'est-à-dire que le fait que je dois ramener Lady Blackbird au roi des pirates, est-ce que c'est secret? Est-ce que c'est pas secret? Alors, c'est quand même vachement important. Dans les règles, on ne stipule pas que les clés sont cachées. Maintenant, je pense que les clés doivent être révélées dès le départ. Une histoire de départ, c'est pour être sûr qu'un joueur ne triche pas. C'est-à-dire, n'utilise pas une clé, il se prend quand même un bonus alors qu'il n'a pas le droit. Ouais. Et aussi pour savoir en même temps quel type de jeu on va pouvoir appliquer de façon à ce que les autres joueurs puissent jouer leur clé. D'accord. C'est-à-dire, ouais. Quand on sait que le capitaine est amoureux de Lady Blackbird, ouais, rien n'empêche le joueur de Lady Blackbird de pouvoir commencer à faire des quiproquos, ouais, là-dessus, ouais, de façon à ce que ça fasse du jeu. Bah, c'est quand j'ai su ça, c'était naturellement ce que tu fais. Tout je suis blessé. Et puis évidemment, c'est Evans qui me. En révélant m'aide, tout, ça fonctionnera mieux, je pense. Dire si à un moment le capitaine décide de changer de cap parce qu'en fait, Lady Blackbird, il est trop amoureux, il veut pas qu'il aille voir son amoureux chéri. Et là, tu vois, déjà, on voit un trio. Tout de suite, ton personnage, il fait « Attends, il faut que j'arrive à rétablir le truc, parce que moi, c'est mon enjeu, quoi. » Oui, en même temps, c'est mon enjeu de la ramener, mais en même temps, je suis super fidèle au capitaine. Voilà. C'est là qu'on a gros dilemme moral. C'est là qu'on a les dilemmes qui vont commencer à arriver. Et donc, obligatoirement mettre en place des rachats. Pareil, si moi, je tombe amoureux de ton personnage, du coup, ma clé de mission... retourner voir le roi pirate, et ben je l'abandonne, mais du coup toi tu seras pas content. Donc, ce qu'il y a à savoir, c'est que pour les clés, d'un point de vue système, en fait il y a une phase qu'on appelle le rachat. C'est ce qui va nous permettre en fait donc de perdre une clé, donc dans une condition bien particulière, de l'effacer. Et donc l'effacer, en fait, ça c'est de l'enlever, de la faire disparaître, mais à la place, au lieu de gagner qu'un seul, en fait, que ça vaut gagner qu'un pex ou un seul dé. Cette fois-ci, on va gagner deux augmentations directes. Une augmentation logiquement c'est 5 XP. Donc en gros, quand tu vas jouer ton rachat et donc que tu l'abandonnes, tu gagnes 10 PEX. Donc c'est le point de tension dramatique le plus énorme que tu puisses avoir dans le jeu. Voilà, c'est ça, c'est clair. Bah, tu perds ton bonus, quoi. On guide les joueurs, quoi. Tu perds ton bonus, sachant que pour récupérer des clés, parce que dans le jeu tu peux en récupérer des clés, mais faut pas que ce soit les mêmes, ça te coûte une augmentation. Ouais, d'accord. Les joueurs sont amenés, en fait, sont guidés vers ces points de, ces climax. Moi j'ai kiffé, hein. Ça fait des scènes cucul à praloche comme je kiffe. Alors, on peut préciser aussi aux auditeurs qu'on a joué l'évasion comment il s'appelle? De la main chagrine. Comment tu dis? La main chagrine. Chagrine, une main qui est pas contente. Ah, la main chagrine. La main chagrine. Ok, donc, on a joué l'évasion. Si on se rappelle vite fait, mais logiquement, c'était au début de ce podcast. Voilà, donc notre équipe était enfermée à l'intérieur donc d'un vaisseau. De la marine impériale. On est arrêté pour un simple flics, contrôle. Et ce qui se passe, c'est que bien évidemment, le capitaine est recherché par l'Empire. Lady Blackbird s'est un peu enfuie d'un super impérial qui est tout vieux mais qui est super influent, donc elle est aussi recherchée. Donc leur but, c'est de s'échapper de ce vaisseau, de reprendre la chouette et de pouvoir s'évader. D'accord. Tant qu'on est sur le bas de l'affiche, je pense que les secrets, faut pas les oublier. Voilà. Ouais. Donc moi, par exemple, j'ai le secret du commandement qui me permettait de faire relancer un jet à quelqu'un d'autre une fois par partie. Ouais. Moi, j'ai le jet de la force intérieure, je peux relancer un de mes jets quand je veux. Et l'autre, c'était le secret du sang vortex qu'on a utilisé assez rapidement, qui me permet de soit me téléporter, soit de téléporter quelqu'un d'autre, n'importe où. N'importe une fois par partie aussi. Une fois par partie. Et les secrets sont super intéressants. Par exemple, en tant que maître sorcier, moi j'avais aussi le secret du sang orage. Et en gros, à un moment, je ne l'ai pas joué, mais si on avait vraiment été dans la merde, je pouvais lancer un sort quand je voulais, une seule fois par partie, juste parce que je peux parler et faire n'importe quoi, ce que je voulais en sorcellerie. Romaric, c'était quoi les tiens? Moi, mes secrets? Oui. Mais mon secret, c'était le secret de la dissimulation, celui qui m'a permis de faire sortir un objet de ma botte. Génial, ah oui, c'est vrai. Alors, seulement, j'ai un petit peu triché parce que j'ai sorti un objet qui avait de l'importance. Donc, c'est écrit, vous aurez beau avoir été minutieusement fouillé, vous aurez toujours quelques objets clés sur vous. Et vous pouvez faire apparaître quelconque petit objet simple et commun en un seul clin d'œil. Donc, à mon avis, ce que j'ai fait, sachant que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on devait s'enfuir du gros vaisseau qui nous avait capturé avec le petit vaisseau. Donc, à un moment donné, il faut ouvrir la porte principale du grand vaisseau pour laisser s'échapper le petit vaisseau. Et là, j'ai fait jouer ce secret en disant, tiens, comme par hasard, un petit peu comme dans un cartoon. Mais non, mais en fait, j'ai la télécommande sur moi. Genre, je l'ai volé sur un garde juste avant. On avait rencontré des gardes. C'est vrai que c'était crédible. J'avais pu la piquer. Pourquoi pas? Parce que moi, je sais à quoi elle sert, vu que je suis le mécanicien. Mais c'était quand même gros, quoi. J'ai peut-être abusé du secret parce que c'est quand même écrit un objet commun. Je sais pas si la télécommande. C'est l'objet clé qui avait fait. Mais bon. En fait, ce qui nous a fait marrer dans cette scène, c'est que c'était humoristique et que du coup, enfin, c'était drôle. C'était un petit peu. Ça allait très bien dans la scène. Ça allait bien dans la scène. Personne n'était choqué par la chose. Voilà. Et personne n'a demandé. Voilà, c'est ça. Donc en fait, oui. Ça permettait de finir la partie. Voilà. Et l'autre secret que j'ai eu, c'était le secret des réflexes. Une fois par session, je peux rejouer un test échoué en rapport avec l'agilité, la dextérité, les réflexes. J'ai pas eu besoin parce que je suis tellement fort déjà dans ce domaine que je vois pas comment je pourrais en rater un jet, c'est incroyable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus des clés, effectivement, les personnages ont des secrets. Ouais. Donc, ils vont donner donc, des avantages, comme vous avez pu entendre, donc quand même assez importants au cours du scénario. C'est clair. Sachant qu'au fur et à mesure, avec les augmentations, on va pouvoir acheter des nouvelles clés et des nouveaux secrets. Par contre, par rapport aux clés, les secrets ont besoin de prérequis. Il y avait un exemple de secret, c'est qu'on peut invoquer un poulpe céleste et après lui taper la discute. Ouais. Par exemple, il y a ça comme secret. Mais ça impose, c'est que on rencontre un mage d'un ordre bien spécifique et ensuite qu'il veuille bien lui apprendre. Donc il faut qu'au cours du scénario, on rencontre ce mage, que quelqu'un se dit l'idée, tiens, j'ai envie d'apprendre ce truc, passer du temps avec lui. À ce moment-là, il dit, t'as ton augmentation, hop, tiens, t'as le droit à ton secret. Alors ouais, ça c'est vraiment un aspect intéressant du jeu, c'est que la fiche de personnage nous encourage à bien jouer notre perso. On peut pas se tromper sur l'interprétation de notre personnage. Puis elle nous encourage vraiment à avoir des interactions autour de la table, même dans les scènes de remplissage. Où ça nous pousse. Alors ça c'est vraiment par rapport aux autres personnages, ça c'est clair, je suis d'accord. Ouais, c'est clair, on est tout de suite. C'est du scénario qui commence, comme on dit, in media res. C'est-à-dire, t'arrives, t'es enfermé, mais tu sais tout de suite quelle relation t'as avec les autres. Qu'est-ce que c'est remplissage pour les auditeurs? Alors, oui, on peut le dire. Alors, les scènes de remplissage, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je vous avais expliqué avant, c'est qu'en fait, on a une réserve de dés qui commence à 7. C'est-à-dire quand on va faire un succès, on va prendre dans cette réserve de dés, et quand on réussit le jet, tous les dés qu'on a pris de, ce, de cette réserve disparaissent. Donc au fur et à mesure, cette réserve va s'amoindrir. Et il y a une phase donc, qui s'appelle la phase de remplissage. C'est un moment où en fait, deux personnages vont commencer à parler un peu de leur passé, de dire, vont avoir une relation un peu plus intime au niveau de discussion, révéler des secrets donc, sur son personnage. Et ben, à partir de là, on va pouvoir récupérer jusqu'à 7 dés dans sa réserve. Donc, si on avait un, on récupère 6. Ça pousse d'ailleurs à prendre les XP quand on finalement utilise des clés. Voilà. Parce que du coup, les dés, on peut les récupérer avec ces scènes et c'est quand même beaucoup plus intéressant à jouer. Quoi. Après, il faut toujours avoir une scène à jouer. Donc, mais effectivement, c'est beaucoup plus intéressant. L'XP, d'autant plus a quand même qu'on peut la faire d'avantage. En flashback, la scène de remplissage. Ah, oui. Et la scène de remplissage, on peut la faire en flashback. D'accord. Donc voilà. En tout cas, vraiment, ça c'est un aspect très agréable du jeu, c'est que les personnages sont bien posés dès le début. Il n'y a pas d'hésitation sur comment on doit les interpréter. Est-ce que vous avez eu des soucis de ce côté-là à un moment donné, des questions Moi, c'est juste par rapport à cette clé, la clé de la mission. Si je connaissais Lady Blackbird, si je connaissais son identité, si je devais le cacher. Si t'étais plutôt missionné par Urla Flynn. Voilà, moi, c'est j'ai ça. J'ai plus l'impression pas trop que ce soit ça. Moi aussi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Bon, maintenant, si on relit bien le pitch et non le speech de départ. C'est Lady Blackbird donc qui engage pour le vaisseau de la mouche et donc son équipage la chouette. Après la mèche, donc si on regarde bien, je pense que tout le monde est au courant que c'est Lady Blackbird. Pourquoi elle est là? Je pense aussi. Dans l'équipage, oui. C'est voilà. Ça... En fait, la clé de la mission, moi, je la vois plus par rapport à la loyauté, ta fidélité à tes principes. Voilà. Mmh. C'est comme plus qu'à un missionnage par Uria Flynn. Voilà. C'est comme le cas donc avec toi, Aloïs, avec Cyrus Vance. À un moment, tu dis, est-ce que les gens savent qui je suis? Et en fait, oui. Tous les joueurs savent qui tu es. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les impériaux, bah, tu te dis pas que tu t'appelles Cyrus Vance parce que t'es recherché. Oui, bah oui. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai trouvé particulièrement admirable dans ce système, c'est vraiment les traits que je trouve super efficaces. C'est-à-dire que dès que t'as une action, tu choisis ton trait et ensuite tu choisis les adjectifs ou les mots qui sont en dessous. Ce système par mots-clés. C'est-à-dire que chaque trait est associé à X étiquettes. Voilà. Et en fait, tu choisis un trait, premièrement. Et ensuite, dans cette catégorie du trait, tu vas avoir en fait ce qu'on appelle des étiquettes, donc des mots. Voilà. Tu vas pouvoir dire, tiens, j'utilise le mot, par exemple, moi j'en cite un quand même pour les auditeurs. Par exemple, mon personnage, il était mécanicien. Donc, parmi les mots-clés, il a réparé, moteur, efficience, pièce de rechange ou sabotage. Donc si par exemple je veux réparer un truc, je dis bah voilà, je suis mécanicien, j'ai un dé. Ensuite je dis bah je veux réparer moteur, donc ça fait 2 dés, etc. Je dis les mots clés et tac, ça marche. Ça, je trouve ça génial. C'est vraiment... Il y a un dé de base, le trait et les deux étiquettes, donc ça faisait 4 dés de base, plus la réserve. Donc en fait, tu lances un nombre de dés en fonction du nombre de mots-clés que tu trouves dans la boîte à outils. C'est-à-dire que ta fiche de perso, c'est à la fois indicateur du personnage que tu joues, mais en même temps, c'est une grande boîte à outils qui va te permettre d'entreprendre des actions et de les réussir. Et puis, mine de rien, chaque mot te donne des idées pour faire des actions après. Claire. Quoi. C'est... Voilà. Tout à fait, Thomas. L'autre chose, en plus, avec les augmentations, c'est qu'on peut acheter des nouveaux traits et des nouvelles étiquettes. Les traits sont fixes. C'est-à-dire qu'il y a une liste. On va dire, voilà les traits que le jeu propose et voilà les étiquettes qui sont liées à ces traits. Mmh. C'est-à-dire que, de toute façon, on va pas pouvoir créer quelque chose d'incohérent et surtout qui ne sera pas jamais utilisé. Là, au moins, avec tout ce qu'on a, on a tout sous la feuille. Donc, une fois qu'on est plein, on est plein, quoi. Mmh. Le seul truc que je regrette, moi, par rapport aux traits et aux augmentations, c'est que une étiquette coûte aussi cher qu'un trait. Oui, mais un trait, quand il arrive, il est vide. Ah oui, exact. Ah, d'accord. Ouais, donc j'avais oublié. Voilà, quand on prend un nouveau trait, il est vide. Donc bon bah tu gagnes que ton point. Donc c'est toujours ça. Ah, oui. T'as la boîte, mais t'as pas les mots clés qui vont dedans. Quoi. Voilà. Donc ça, ouais, ça c'est vrai que c'est très très intéressant. Il est vraiment bien goupillé. Le ouais, système. Ah, il est super, très très bien en goupillé, main rapide. Ouais. Et puis moi j'ai trouvé que ça donnait. Alors Thomas. Alors moi j'aurais juste un comment dire quelque chose à dire au niveau du MJ. Ouais. Putain, le rôle du MJ est assez c'est la faiblesse du jeu. Voilà. On va y faiblesse arriver. Oui et non. On verra. En fait dans le jeu quand on parle du rôle du MJ on lui demande qu'il ait un rôle d'écoute, c'est-à-dire qu'il écoute ce que vont faire les joueurs. Ouais. Utilise ce que les joueurs disent au cours de la partie. Ouais. Et surtout c'est questionner. C'est-à-dire qu'au départ on parlait de questionnement, dire bah tiens je te mets dans une situation. Qu'est-ce que toi, ton personnage, en pense de cette situation? Ouais. Bah, il en pense ça. Et qu'est-ce que ça te fait? Et donc, on est en train de tirer les vers du nez, en fait, aux joueurs. Et je me suis aperçu que c'est que, à un moment, je l'ai mis à utiliser. Alors, je suis plusieurs situations. Et ça a été super efficace. C'est-à-dire que, aider, c'est de trouver le problème. Alors, à un moment, je regarde à Louis, t'as demandé, est-ce qu'il y a vraiment rien dans la cellule? J'ai fait, qu'est-ce que tu cherches? Bah, je sais pas, je dis, tu cherches des objets, tu cherches quelqu'un, tu dis, ouais, je regarde s'il y a pas un mec. Ah, bah, s'il y a un mec. Ouais, voilà. Un jeu souffreteux. Voilà, donc en fait, ça, c'est, on va extirper, en fait, on va tirer les vers du nez du joueur pour savoir qu'est-ce que tu veux dans ta fiction. Et on va partir à l'interpréter. Mmh. Maintenant, le mauvais côté, on va dire, du MJ, bah, c'est le joueur qui s'ennuie, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est le joueur qui est là pour, dire des difficultés. Éventuellement, vous arrivez dans une coursive, il ressemble à ça, vous croisez un mec, il ressemble à ça, il agit comme ça, il parle comme ça. Ouais. Mais en fait, il n'a pas de côté création. C'est la question que je voulais te demander, Thomas, c'est est-ce que tu t'ennuies? Parce que moi, j'ai remarqué dans la partie, j'avais l'impression que tu t'ennuyais, quoi. Tu te disais. Non. Mais. Et non, je m'ennuie pas. En fait, là, je me suis retrouvé comme dans une partie de Mahou Shoujo. C'est-à-dire que, moi, j'aime voir les gens créer, en fait, autour. Voir une idée intéressante, exposer des idées, voilà, moi la création tout le temps. Mmh. Maintenant, pour un joueur qui aime être actif, diriger ses joueurs, les mener quelque part, je pense pas que le jeu lui plaira parce que il risque d'être quand même assez passif. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé très efficace. Et en tant que MJ, moi, ça me convient très bien. Moi, je trouve que le rôle du MJ dans la base est très bien décrit, mais on décrit pas suffisamment le rôle du joueur, en fait. C'est-à-dire que dans ce qu'on nous a dit, hein, je dis pas. Moi, j'ai relu. Hein, dans ce que tu m'as dit. Hein. On dit pas comment tu joues, on dit pas comment tu introduis une scène, on dit pas comment tu dois interpréter ton personnage, on dit pas comment tu dois faire une action. Ça, c'est un vrai problème parce qu'en fait, les problèmes du MJ découlent de la non-information des joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'habitude dans un jeu de rôle d'être guidé par le maître de jeu. Que les décors soient posés, que le joueur se retourne vers le MJ pour etc. lui demander la permission quelque part. Voilà. Et donc du coup, on attend un peu que tu nous décrives des choses, alors qu'en fait c'est pas du tout le rôle que tu dois avoir. C'est à nous d'avoir un rôle de questionnement en fait. C'est quand tu vous retournez, je vous dis qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu machin. Voilà, et c'est là que tu dis. Nous en fait, je suis le psychanalyste en fait. Vous êtes sur le divan, je vous dis ça. Oui. Alors qu'est-ce qui vous est arrivé? Un problème dans votre enfance? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Votre père? Bien sûr. Oui. Moi quand j'ai lu ça, j'ai fait ok, je suis un psychanalyste et j'essaie de vous extirper le scénario du cerveau. Donc en fait nous on doit être des enfants. Qui racontons notre rêve, en gros, qui disons, on veut faire ça, on va faire ça. Ouais. Moi, je sors, moi, je prends la clé, machin truc, et toi, tu dois nous interrompre en disant, non, attends, comment tu fais exactement? Et non. En fait, t'as un rôle. Mais les règles sont très succinctes. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup choqué, lorsque c'est une erreur de traduction ou c'est un choix spécifique. J'ai aucune règle dans le jeu. J'ai que les résumés des règles. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça bizarre. Ouais. Mais en fait, vu comment ça fonctionnait, je pense que c'était vraiment les règles. En fait, c'est suffisant. Mais c'est suffisant. Mais c'est pareil. Alors, c'était suffisant parce que nous, on sommes rôlistes. C'est-à-dire, oui, un gars qui dit, tiens, je te donne le jeu, tu vas voir, tu vas t'éclater, il va se mettre dans son coin, il fait, je fais quoi? Alors, tenez, vous avez des personnages, vous devez vous enfuir. Ok. Les mecs, ils vont se regarder dans le blanc des yeux, mais je fais quoi? Tu vois? Il n'y a rien qui t'aide vraiment. Je sais pas, tu serais étonné, par les réflexes. Il est largement possible qu'il y ait un réflexe qui va être fait, et c'est peut-être pour ça qu'il l'a pas mis, c'est qu'il se dit, lui, il considère que tout le monde va jouer naturellement, sans aucun souci. Ouais. À voir. Mais ça, c'est vrai que peut-être que les règles. Mais moi, en tout cas, ce jeu m'a bluffé. Moi, j'ai trouvé qu'en fait, la couleur du jeu, donc pas qu'elle soit rouge ou verte, mais l'ambiance, je vous préviens. Nous ne sommes pas des vendeurs de certains magasins. Oh, et attention. Si j'y vais souvent, elle va me renier. En fait, l'ambiance. Parce que Thomas, on peut expliquer aux auditeurs s'ils ne vont pas comprendre. Oui. Thomas est allé dans un magasin l'autre jour, il a dit je voudrais un jeu qui ait cette couleur-là, sous-entendu. Qui est une jolie couleur. Je crois que la nana, elle n'a pas compris. En fait, elle s'est demandé si c'était rouge ou vert. Voilà, c'est ça. Et moi, je n'ai pas capté, donc elle m'a demandé des jeux qui ne me correspondaient pas. Mais bon, passons à autre chose. Voilà, oui. Moi, je trouve que la couleur de l'univers est sympa. Il y a un moment, il y a eu un. Moi, je me souviens, Louis, tu m'as fait le signe, mais. Il y a rien sur l'univers, il y a une page. Oui, c'est vrai qu'il est. Et sur une page, et la moitié de la page, il y a quand même de l'encadrement. Il y a une carte, donc il y a vraiment pas grand-chose. Mais en fait, ça nous a pas bloqué. Oui, c'est suffisant. C'est largement suffisant. On peut s'imaginer tout ce qu'on veut. Ça pas de problème. Je partage pas ton avis, Tom, parce que tu vois justement, j'allais encore te poser une question par rapport à ton rôle de MJ. On nous dit dans la base, c'est sans préparation, etc. N'empêche que quand les joueurs avancent dans les cales et tout, si t'as pas un plan de vaisseau ou quelque chose, tu vois, ça vient pas. Il n'y a pas besoin. Alors justement, j'ai fait la réflexion, vous m'avez dit, il n'y a pas besoin. Ouais. Alors, je vais te dire pourquoi. Pourquoi, Tom ? Il y a plusieurs moments où mon côté, on va dire, MJ classique est ressorti. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai essayé de vous décrire des actions, d'écrire des événements, et c'est une mauvaise chose. En fait, faut toujours trouver le besoin du joueur. Le but du MJ, c'est trouver le besoin du joueur. Ton besoin, c'est ça. Donc, une fois que j'ai réussi à te faire exprimer ton besoin, tu vas naturellement faire les choses et je vais te dire, tu veux partir, tu veux faire quoi ? Tu veux aller jusqu'à la salle de commandement sans te faire repérer ? Ok, je te fais un jet. Tu fais ton jet. Si tu y arrives, tu me dis, comment ça se passe ? Donc là, tu vas décrire comment ça se passe. Et si ça marche pas, je te dis, je te mets une complication, mais on considère que t'es perdu. Ouais. Et là, je dis, vas-y, Loïs, toi qui as voulu te balader furtivement dans le vaisseau, tu poses le commandement. Au niveau de la description et tout, des pièces, je trouve quand même que ce serait bien que le MJ, il ait un petit support en plus, un plan. Oui, en fait, il n'y a pas tellement de couleurs imposées. En fait, je pense que tu t'imposes naturellement la table. C'est-à-dire que Le joueur, il commence à décrire un truc. Si tout le monde est d'accord, on va rien dire. Par contre, s'il y a un problème, il y a un joueur qui va dire, c'est pas très couleur de jeu. C'est moi qui ai pas bien compris. Alors, en fait, c'est ça. J'en reste toujours à cette idée que j'ai pas très bien compris le rôle des joueurs. En fait, c'était plus au joueur de décrire le vaisseau et de faire le vaisseau qu'au MJ. C'est ça. Je pense que au départ, je suis mal parti. En fait, je me suis rendu compte, c'est qu'au fur et à mesure, le questionnement s'est mis en route. Et je me suis aperçu qu'au départ, moi, je pensais que ça allait être pas terrible. Ça a été super efficace. Mais effectivement, le MJ est là. En fait, le MJ, il a le rôle de loup-garou. Loup-garou Tiercelin. Je connais pas. Tiercelieu. Tiercelieu. C'est pas Tiercelin, c'est une philosophe analytique, Thomas. Oh ouais, je suis sûr qu'on va regarder sur Google, on en trouve d'autres. C'est celui qui dit nous sommes dans l'an de grâce, machin, et il y a des loups-garous là-dedans, vous arrivez à telle phase, et là, le tu jeu laisses les joueurs. Rôle. Le jeu à rôle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi le jeu à rôle? En fait, dans les loups-garous Tiercelieu, chacun a une carte qui est face cachée avec un rôle qui est inscrit sur la carte. Ouais. Et le but, c'est que les loups-garous doivent tuer tous les villageois et les villageois doivent débusquer les loups-garous. D'accord, ouais. Sachant que les villageois ont des pouvoirs, etc. Et il y en a pas mal qui considèrent que c'est quelque chose qui mène au jeu de rôle parce que c'est un jeu à rôle. Voilà. D'accord, ok. Et donc, le rôle, on va dire, de l'arbitre, du gardien ou du MJ, mais c'est pas vraiment MJ, je sais plus comment il l'appelle dans le jeu. En tout cas, il est là pour interpréter le décor, pour mettre une couleur, faire de l'ambiance, pareil. Il est là pour faire l'ambiance et en même temps faire l'arbitre. C'est-à-dire que quand il y a un conflit, qu'il y a une difficulté à mettre, on va demander au MJ. MJ, quelle difficulté? Il dit, difficulté de temps. Il y a un échec. MJ, dis-moi quelle est la complication. On a telle complication. On avance. On aimerait bien avoir une crasse dans l'aventure. C'est à moi, MJ, de choisir la crasse. Tenez les gars, pendant votre aventure, il se passe ça. Il l'appelle le MJ, mais ils disent pas ce que ça veut dire. Mener le jeu. Donc, mener le jeu. C'est tout. Meneur de jeu. D'accord, ouais. Alors, est-ce qu'il faudrait pas, par exemple, moi j'ai pensé à ça pendant le scénario. Enfin, le scénario, c'est même pas un scénario d'ailleurs pendant la partie. Je me suis dit, est-ce qu'il faudrait pas encourager les joueurs à faire des descriptions? C'est-à-dire, est-ce qu'il manque pas un artefact dans le jeu qui encourage les joueurs à faire des descriptions? Mais c'est pas au MJ de faire les descriptions? Ben non, je crois pas, justement. Non, justement, c'est qu'on est en train d'expliquer. Je ne crois pas. C'est un équilibre subtil à trouver. On est en train de l'expliquer, c'est ce qu'on a a priori compris. Oui, moi c'est ce que j'ai compris. Mais tu vois, là-dessus, il y a un flou, on ne sait pas. Pour moi, c'était vraiment au MJ. En fait, nous, on dit qu'on arrive quelque part. Oui. Et c'est le MJ qui décrit, puisque c'est lui qui pose les obstacles. Et moi, je ne crois pas. Oui et non. Je crois que c'est le joueur. Tel que je le vois, c'est le MJ qui répond à l'attente du joueur dans la description. Voilà, c'est-à-dire qu'il va te poser la question. C'est un équilibre. Il va dire si tu vas en haut, qu'est-ce que tu t'attends à trouver? Et puis là, tu vas devoir répondre, je m'attends à trouver les moteurs pour saboter, par exemple. Donc tu trouves des moteurs, il peut te décrire à quoi ressemblent les moteurs. Et c'est toujours pareil. C'est vraiment si t'es d'analyste, quoi. Aller chercher ce que tu veux vraiment. Ouais. Parce que ça va mieux comme ça, Fly, ou... Oui, je comprends mieux. Voilà. Mais après, c'est clair que si au bout d'un moment, tu as ton joueur en face qui regarde le MJ, que tu lui poses des questions, si le MJ décrit de voix que tu as besoin d'une description pour avancer, le MJ va faire ta description. Parce que il va répondre à ton attente. Donc, du coup, en fait, t'as pas besoin de faire le système que je voulais mettre en place tout de suite. T'as pas besoin de récompenser les joueurs pour leur description. Mais logiquement, ça doit être fait comme ça. En fait, j'ai l'impression que. Leur récompense, c'est de tomber sur ce qu'ils veulent. Oui. Puisque c'est ce qu'ils veulent entendre. Ouais, c'est ça. Exactement. Éventuellement, je trouve que le meneur de jeu, dans ce type de jeu, faut voir si ça peut marcher, c'est qu'il n'y en a peut-être pas besoin. Il n'y a peut-être pas besoin de meneur de jeu. On peut très bien répartir en fait, le rôle du maître de jeu entre les joueurs. C'est possible. Je pense que ça peut aussi bien marcher. Dire s'évaluer les difficultés, dire qu'à un moment, on se trouve un conflit. On dit, on veut aller. On veut s'enfuir du vaisseau donc avec furtivité, et de l'autour de la table, on dit on fixe ça à combien, ça me pense, on considère qu'il y a beaucoup de gardes, on met telle difficulté, on fait ok. Surtout que l'échelle, elle est pas, il y a 5 niveaux de difficulté. 5 niveaux de difficulté, même pas. On peut même le pas, définir entre nous. De 2 à 5. Ça va de 2 à 5. Ouais, tu vois, on peut le définir. Ça peut se définir entre joueurs. Il y a deux possibilités. Soit le rôle UMJ a été ajouté parce qu'il voulait pas faire un jeu de rôle sans UMJ pour que ça attire plus de gens. Malheureusement, les jeux de rôle sur MJ, il y a certaines personnes que ça rebute. Et deuxième chose, sinon, il a peut-être un rôle bien spécifique et considère que le jeu doit se mener avec. On pourrait essayer, mais maintenant, je jouerai plus à Lady Blackbird. Je me pose la question, je sais pas. Moi, je pense que le MJ reste indispensable, en fait. Ça reste quand même un guide. Le fait de devoir poser les questions, c'est quand même important. Il n'y a pas un autre joueur qui pourra le faire. Ou alors il faudrait que tous les autres joueurs autour de la table commencent à se poser des questions. Et puis il y a quelque chose, tu vois, Thomas, qui est très important, c'est le principe de Shégué. Je sais pas si tu connais le principe. Non. C'est dans un jeu de rôle, si on se joue soi-même et son adversité, on s'emmerde. Voilà. T'aimes bien avoir l'adversité par un autre joueur. C'est bien quand même, je pense, à mon avis, dans ce jeu, que le MJ soit quelqu'un d'autre que les joueurs, avec des buts un petit peu différents, de manière à ce que l'adversité est véritablement corps. Par exemple, il y a un petit défaut que j'ai trouvé au jeu, enfin peut-être c'est pas un défaut, c'est un truc que moi personnellement j'apprécie moins, mais je trouve pas que ce soit un défaut, c'est que tu joues tes échecs. Bon, ça après, chacun aime. Il y a des gens qui vont aimer se charcler. Je vois Christophe Buckley, par exemple, quand tu joues avec lui, il adore se charcler. Plus il peut échouer, plus il peut se décrire son personnage en train de souffrir, mieux c'est. Frédéric aussi, ouais, il aime bien ça. Mais, Ah oui, fais-moi mal. Mais voilà, non, mais même en dehors de ça, c'est qu'il trouve ça classe en fait. Bah, on en a la possibilité quand j'ai fait une réussite. Mais tout moi, à l'heure, par exemple, ça m'emmerde un peu. J'aime bien que l'idée que les difficultés viennent d'ailleurs, quoi. Enfin, je sais pas comment te dire. Et si, donc, je vois, en fait. C'est un petit peu un dérivé du principe de Chez Gay, un principe faible, voilà, de Chez Gay, quoi. Mais ouais, ça marche. On peut non, mais je vois le truc, le fait que le MJ te mette une difficulté et avoir la satisfaction de relever la difficulté. Mmh. Ouais, ok, voilà, tu m'as mis telle chose, mais j'arrive quand même à faire la quête. Si, c'est sympa. Moi, je pense que le MJ est quand même indispensable. Même si je suis d'accord avec toi, il a un rôle, faut aimer. C'est spécial, hein. Faut aimer assister à la fiction un peu de l'extérieur. Je sais pas. Il faudrait avoir d'autres expériences. Le jeu est quand même vendu comme étant... Il n'est pas vendu. Quand je dis le jeu est vendu, on va dire est présenté. Il est présenté comme... Est présenté. On te vend le jeu comme... Mais non, on ne te vend pas. On te donne le jeu on comme... On te donne le jeu comme... donc pour jusqu'à 6 joueurs. Ouais. Donc déjà jusqu'à 6 joueurs, sachant qu'il n'y a que 5 personnages pré-tirés, donc ils considèrent que le MJ est un joueur. Donc comme ça, dans Motion Jeu. Ouais, ça c'est intéressant. Ouais. Et deuxième chose, pour 2-3 scénarios, 2-3 aventures, voire plus. Donc, c'est-à-dire que lui, il considère que le jeu fournit, il fournit des problématiques. On peut aller jusqu'à 3 aventures. Et après, si vous souhaitez créer, vous pouvez aller plus loin. Mais d'accord, lui, il a fait vraiment son jeu. C'est-à-dire qu'il fait son jeu, il met 2-3 aventures, ça n'ira pas plus loin. Mais après, si les joueurs veulent continuer d'évoluer, ça pose pas de problème. Alors ça, on peut le dire d'entrée de jeu pour nos auditeurs. Parce que je sais pas si on l'a dit dans les micros, mais il faut jouer à ce jeu à 6. Voilà. Moi, je pense clair. Qu'il faut jouer au plein, oui. C'est là que c'est le plus marrant. Ah oui. Parce qu'en fait, on s'est retrouvé avec deux personnages donc qui ont été MJ. Ouais. Donc moi, j'ai pas voulu jouer leur clé, j'ai pas voulu jouer leur secret et surtout leur faire des jets parce que le MJ n'a pas de jet de dés à faire. Donc voilà, on perd dans l'interaction, on perd du jeu. Et puis on s'est posé la question, enfin on s'est posé plein de questions dont les réponses n'étaient pas dans la base du coup. Par exemple, à un moment donné, donc le Naomi, le personnage garde du corps de Lady Blackbird, est forcé d'intervenir parce que toi, en tant que MJ, Thomas, t'avais décidé de blesser Lady Blackbird, donc là, elle devait intervenir. Voilà, elle devait intervenir, c'est parti du là, personnage. Et là, du coup, en fait, finalement, toute l'action ratée de Lady Blackbird, et donc l'action future, tournait autour du sauvetage de Lady Blackbird. Et là, du coup, c'est un PNJ qui doit faire le jet. Alors là, c'est bizarre. Voilà. Mais c'est pour ça que donc, là, la situation qui s'est résolue, c'est qu'on a pris le système. Attention, Thomas, t'es loin de ton micro là. Ouais. Pardon. Excuse-moi. Donc le système propose en fait un système d'aide, de l'aide, c'est-à-dire que quand il y a des actions avec plusieurs joueurs, au lieu de faire un jet à chaque joueur, c'est qu'il y a un seul joueur qui fait un jet et les autres lui apportent un dé supplémentaire. Et ça pour n'importe quelle action. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir les compétences. C'est juste que le joueur doit décrire comment il aide et à partir de là, on fait le jet. Ouais, donc là, tu vois, du coup, ce qu'on a fait, c'est que c'est un joueur qui a fait le jet et on a considéré un petit peu, c'était un petit peu bancal, mais on a considéré que c'était moi qui devais faire le jet du combat de Naomi finalement. Donc je suis arrivé dans le combat un peu comme un cheveu sur la soupe et Naomi m'a donné un dé. Du coup, toi, en tant que je sais qu'en début de jeu, on s'est demandé si on devait les enlever ou pas. Ouais. Je pense qu'il faudrait les enlever. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le nombre de joueurs qu'il faut, ne les jouez pas. C'est mieux. Peut-être. Hein. Ouais, je me demande si on rate pas. Alors du coup, si on fait ça, oui. On rate trop de choses. Mais on va rater des trucs. Par exemple, moi, mon personnage, il est assez charnière. Finalement, on avait choisi les 3 bons persos. On a eu de la chance, je pense. C'est-à-dire qu'on a choisi un trio qui fonctionne très très bien. Oui. Le capitaine, Lady Blackbird, le capitaine amoureux de Lady Blackbird. Jouer sans Lady Blackbird, ce serait quand même dommage. Oui. Pour un jeu qui s'appelle Lady Blackbird, il y a un peu le choix. Ouais. Ou pas, d'ailleurs. Je pense justement, je pense que c'est le personnage dont on peut le plus se passer justement, parce qu'elle a le rôle un petit peu quand même de la princesse que les héros doivent protéger. Ouais. Donc, elle a quand même été assez active, Flavie. Oui, plus interactive. Ouais, elle a plein de trucs en fait. Elle est maître sorcier, elle a la ruse et tout. Donc, quand même, je pense que c'est vraiment un perso dont tu pourras pas te passer si tu joues à l'équipe de la Moi, je pense que tu peux te passer d'aucun en fait. Ouais, dans cette logique-là. Voilà, je suis d'accord. Ils sont tous indispensables. Puis je pense qu'ils ont des clés qui peuvent être hyper intéressantes à jouer et qui, du coup, peuvent venir encore plus enrichir l'histoire. Quoi. En fait, si on voulait vraiment être super au taquet, on pourrait tester toutes les combinaisons possibles possible et dire si vous voulez jouer à 3, prenez ces 3 personnages là, c'est intéressant. Si vous voulez jouer à 4, prenez ces 4 persos là, vous pouvez vous passer celui-là. Par contre, si vous jouez à temps, etc. Et Snargle, c'est quoi ses clés aussi? Snargle. Snargle. Le gobelin. Ses clés, lui, ça, il a un côté un peu plus humoristique. En fait, il est. Thomas. Il a une clé, c'est quand il fait du pilotage. Si c'est casse-cou, bon ben c'est son truc. Quoi. Mmh. Donc là, il peut gagner des points. Il y en a un autre, c'est s'il fait une blague et que tout le monde rigole, bah c'est il gagne un point. Et il en a un autre, c'est si jamais quelqu'un est dans la merde, même un ennemi, bah il va l'aider. Et il peut gagner un point. Ouais, donc au final, c'est presque celui qui aura le moins d'interaction autour de la table. C'est presque celui qui est plus facile d'éliminer si vous n'avez pas le bon nombre de joueurs. Je pense que mais voilà, c'est ça. On évite ouais. Le pilote, il peut vite devenir c'est un ça, PNJ. Hein. C'est ouais. Ça, on se passe facilement de 6 PO voilà. Dans Star Wars. Par contre, c'est difficile de pas jouer Luke Skywalker, quoi. Ah non, mais c'est ouais, exactement peut-être. Ça. C'est et ça. C'est marrant que tu parles de Star Wars. Mais oui, parce que ça m'a fait penser à ça pendant tout le scénar, on voilà. Est d'accord. Il faut savoir hein, que. Alors, il y a des vaisseaux. Il y a des vaisseaux. De ça, mais... le scénar. Attends, on s'échappe comme dans le 4. Il y a un hack de ce jeu sous forme Star Wars. C'est-à-dire que vous oui. Pouvez voir, allez sur le site de GP, je ne sais pas si tu mettras le lien, je pense que je ferais autant mettre le lien de GP. Moi je vais mettre le lien. On trouvera donc un lien vers un hack de ce jeu dans l'univers de Star Wars. Et effectivement, oui. Quand on jouait, moi j'avais pas arrêté d'avoir Star Wars derrière. Bah, c'est énorme. Moi je voyais Vance, ça fonctionne Vance, trop. Quoi. Je suis désolé, moi je voyais trop Han Solo. Non, parce qu'il y a eu finalement dans l'enregistrement précédent, il y a eu une annonciation quand je sais plus qui a dit la chouette, c'est un peu le Faucon Millenium. Et on avait vraiment l'impression effectivement que c'était le Faucon Millenium prisonnier de l'étoile noire. Et qu'on devait se barrer, quoi. C'était ça, quoi. Moi, ouais, j'ai pas pensé à Star Wars tout le long. Je suis resté à fond dans Lady Blackbird. Ah non, moi aussi. Attention. Moi aussi, mais j'ai même pas pensé à Skies of Arcadia. À chaque fois que je prenais du recul, je me disais, putain, la vache, c'est le scénar de Star Wars, là. Voilà, c'est tout. Maintenant, je trouve en tout cas que le. Quoi, tu veux rajouter des noms dans mon podcast, là, comme dans la version Blu-ray de. Ça va aller. Non, sauf que là, ce sera Uria. Je déteste George Lucas. Donc, quoi qu'il en soit, un très bon jeu, vraiment. Il est accessible. Il est accessible, il est gratuit, il est. J'en ai joué. Et c'est un pur système de jeu à tester. Il est intelligent, très bien. Il est bien décrit sur le plan du système, à part les quelques petits points noirs qu'on a soulevés. Mon Dieu, ils sont vraiment. Alors, est-ce que la cellule c'est de story game? Alors justement, alors là, ça c'est la question. Toi, tu trouves que c'est un story game, ça? Je sais pas. J'en sais rien. Faudrait qu'on définisse ce que c'est qu'un story game. Ouais. Bah, logiquement, dans un podcast précédent, on l'a fait. Parce qu'on enregistre ce podcast juste avant un autre podcast que vous aurez avant. Alors, c'est un peu compliqué. Mais quoi qu'il en soit. Story game ou pas, je suis désolée, c'était un bon jeu. Ouais, c'est un bon jeu. Bien marré. En tout cas, ça me donne envie de tester les autres. Clairement. Peu importe les étiquettes qu'on pourra mettre, un bon jeu, ça reste un bon jeu qu'on a envie de tester si on sait bien marrer en faire. Donc, écoutez le dernier podcast, le podcast d'avant celui-ci, pour savoir si oui ou non c'était un story game. Peut-être qu'on en reparlera. Et si vous voulez la vraie réponse, écoutez celui de l'année prochaine, avec évidemment des informations de celui de l'année dernière. Voilà, tout à fait. Comme ça, ce sera bon. Oh putain, c'est compliqué. Et les Shadok, Pompey. C'est compliqué d'enregistrer des podcasts en avance. Bon, allez, quoi qu'il en soit. Merci Thomas de nous avoir présenté. Bah ouais, merci JP de l'avoir présenté. Et merci JP de nous suivre et de relayer les infos de la cellule. Moi, je vous invite à le tester ce jeu parce qu'il est vraiment très très bien. Même si vous n'avez pas des gens très joueurs, je pense que ça peut passer parce que ça va vite. Les gens rentrent vite dans le bain et c'est super efficace quoi. Ouais, très, puis très l'univers bien. Est trop bien, les personnages sont trop bien et très bien. Moi j'adore les petits rapports là pendant autour d'une table quand un tel est amoureux d'un tel, en l'autre fait, doit l'aider. Moi je pense qu'on a, je pense qu'on a bien trippé déjà. On est au tiers du jeu. Je pense qu'on a testé un tiers de ce qu'il a dans le ventre. Parce que quand tu vois les clés, les secrets, tu t'aperçois assez rapidement que, ok, on a fait une petite évasion, on a vu que le système d'action fonctionnait très très bien. Mais à mon avis, quand ça commence à partir en mode ah, mais je t'aime, mais non, mais je dois t'emmener aux pirates et tout machin truc. Moi, il y a une clé, je l'ai vue pour moi. La clé du serment. Je me suis dit, je vais laisser tomber mon. À un moment ou un autre, je vais tomber amoureuse de Vamp, je vais faire un serment, on va s'enfuir ensemble. Ça va être énorme, quoi. Enfin, Il y a aussi un trait qu'on a trouvé marrant avec Flavie, c'est impétueux. Parce que dedans, c'est bon, courageux, audacieux, héroïque. Secourir, tomber, fou, casse-cou, explosion. S'échapper, il y a un contre-sang et chair à canon. Ah, trop la classe. Donc là, on voit déjà que ça prépare le sacrifice du personnage. Quoi, c'est que des suggestions, en fait. Il me semble que dans la base, ils disent qu'on peut en créer des nouveaux. Bah, je ne l'ai pas vu. Je suis pas sûr. Il est possible, mais bon, je l'ai lu. Vous pouvez vérifier en allant télécharger le PDF. En tout cas, et je voudrais remercier aussi les écuries de Gias d'avoir traduit ce jeu. Oui, parce clairement. Que, ouais, c'est bien. Il est vraiment très très bien, quoi. Mais là, c'est vrai que les mécaniques incitatives liées au système sont énormes. Oui, c'est simple, c'est efficace. Les mots-clés et tout, là, cette boîte à idées, c'est vraiment super. Et effectivement, je pense qu'encore une fois, hein, on a vraiment testé qu'un tiers du jeu, même pas. On a vu peut-être un huitième de ce qu'il a dans le ventre, ce jeu, parce que je pense qu'à long terme, les mécaniques se mettent vraiment en place et tous ces petits détails qui sont cachés dans la fiche de perso annoncent un jeu à haut dilemme et balancement et éventuellement retournement de situation. J'adore. Alors, je trouve ça génial. Une dernière chose qu'on n'a pas dit dans l'introduction, mais qu'on avait noté avec Thomas, c'est que sur la première page, il y a écrit que c'est le chapitre 1. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une suite ? D'après le site Origine Américain, il n'existe que ça. Donc, ouais, ouais. Pas de version payante. Mmh. Ouais, mais tu parles, on va devenir les rois des pirates et ensuite on va manger les fruits de l'arbre à caoutchouc. Et ensuite c'est dans One Piece, ça, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Bravo. Allez, à bientôt tout le monde. Merci. Salut. Merci. À bientôt, au revoir. Salut. Allez, au revoir.